J'ai qu'un squelette sous le gilet, ton sortilège on l'a géré. Ornette la frappe c'est l'Algérie, je fais pas le concours c'est moi le jury. C'est la street, c'est de la pure ce que tu veux. Le poids de mes péchés contre un kilo de bœuf. On joue démon, demande pas, on joue démon, je suis les deux. Piste du diable, je suis ténébreux. Bolide, bolide, bolide, tête à queue. Numéro 1 pour mes rebeux. Solide, solide, solide, touche un peu. Faire de DN que des délinquants. Pas de trace d'ADN, j'ai la paire de gants. Bouffé d'air intoxifié, intoxifié par le bang. Yankli à la queue le le. Il se barre, appelle le. Il est du père viscéreux. Belek, allez, belle le. Rebeu, noir, partout. Ça crie, ça passe partout. Mais quel drôle de parcours. Pef, pef, pef. Y'a de la peuf, peuf, peuf. Cache, cache, cache. Bosseur, cache, cache, cache. On est seul à mailler. Oui, les seuls à mailler. Dans la cité, j'aime me poser. Même si je sais que c'est l'asile. Y'a pas triche, mec, c'est réel. Aucun de mes streams viennent de l'asile. C'est vrai que j'ai tout donné seulement pour te la mettre dans le boule. L'équipe m'a dit arrête les meufs, tous ces rappeurs cool. La pegueuf, c'est l'eau fanée dans les fesses d'Afid. T'es bonne, t'es conne, t'es mignonne, mais fais ça vite. Elle me répète que ma beauté a bon goût. C'est vrai, c'est vrai. Parle pas chinois, mais fais du bise à Gansu. Yankli à la queue le le. Il se barre, appelle le. Il est du père viscéreux le. Belle et calé, belle le. Robert Renoir barbe tout. Ça crie, ça passe partout. Mais quel drôle de parcours. Pef, pef, pef. Épineux, 9-3-800 épineux, 9-3-800 épineux, 9-3-800 épineux, 9-3-800 épineux.